Chapitre 14e. Sentence d'exil. Le docteur Thorne ne rentra pas tout de suite à sa maison. Arrivé devant la grille de Greshamsbury, il fit conduire son cheval chez lui par un des gens de la loge et prit à pied le chemin du manoir. Il avait à parler au squire au sujet de l'emprunt et il devait aussi voir Lady Arabella. Lady Arabella n'avait pas pour le docteur une amitié aussi prononcée que la plupart des membres de sa famille, mais elle avait des raisons toutes particulières pour ne pas se brouiller avec lui. Elle était une de ces malades, et elle redoutait extrêmement la maladie dont elle était menacée. Quoiqu'elle considérât le docteur comme un homme arrogant et dépourvu de toute courtoisie envers elle, comme l'instigateur de la parcimonie maritale dont elle était victime, et enfin comme son plus ardent antagoniste politique, elle n'en avait pas moins toute confiance en lui comme médecin. Elle ne désirait nullement le voir remplacé par un docteur Filgrave quelconque, malgré tout le désir qu'elle en avait eu, et qu'elle avait encore de le voir exclu des conseils de Greshamsbury pour tout ce qui ne concernait pas l'art médical. Or, la maladie que Lady Arabella redoutait si fort était un cancer, et la seule personne qui était dans sa confidence était le docteur Thorne. Celui-ci rencontra Béatrice dans le jardin. « Oh, docteur, » dit-elle, « que devait donc Mary ? Elle n'a pas mis les pieds ici depuis la fête de Frank. Mais il n'y a que 3 jours de cela. Pourquoi n'allez-vous pas vous-même la relancer dans le village ? J'y étais, j'en viens. Elle était sortie avec Patience Auriel. Patience Auriel est tout pour elle à présent. Patience est bien gentille, mais je n'entends pas qu'on m'oublie. Ma chère Miss Gresham, vous savez que la patience fut et sera toujours une vertu. C'est une triste vertu, docteur. Elles auraient bien pu venir ici. Elles savent que je suis seule. Je n'ai personne ici, absolument personne. » Lady de Courcy est donc partie. « Oui, et tous les deux Courcy avec elle. Entre nous, je crois que Mary n'est pas venue parce qu'elle n'a pas pour eux une affection bien tendre. Ils ont emmené Franck et Augusta. Franck est allé au château de Courcy ? Oui, vous ne le saviez pas. Il y a toute une histoire à propos de cela. Monsieur Franck faisait le récalcitrant. La comtesse est fâchée et papa dit qu'il ne voyait pas pourquoi on forcerait Franck d'y aller s'il ne le désirait pas. Vous savez que papa est très désireux qu'il passe ses examens. » Le docteur comprit du premier mot tout ce qui avait eu lieu. La comtesse avait réclamé sa proie pour la jeter dans les bras de la riche Miss Dunstable. La proie, qui n'était ni assez sage ni assez âgée pour concilier le culte de Plutus avec celui de Vénus, avait fait de vains efforts pour échapper. Puis la mère avait appuyé les projets des deux Courcy de toute la force de l'autorité maternelle. Mais le père, qu'on n'avait probablement pas consulté sur ce mariage, s'était rangé comme de raison du parti opposé. Le docteur n'avait pas besoin qu'on lui dit tout cela pour savoir comment les choses s'étaient passées. Il ne connaissait pas encore le grand projet matrimonial, mais il connaissait assez la tactique des deux Courcy pour deviner la bataille qui s'était livrée. Règle générale, quand le squire prenait une chose à cœur, il savait très bien arriver à ses fins en dépit même des deux Courcy. Il pouvait être très entêté quand cela lui convenait, et dans cette occasion il avait été jusqu'à dire à sa femme que sa très noble belle-sœur pouvait rester au château de Courcy, ou du moins se dispenser de venir à Greshamsbury s'il n'y venait que pour faire la loi à tout le monde. Ces paroles, naturellement, avaient été rapportées à la comtesse, qui s'était contentée de dire charitablement tout bas à sa belle-sœur que certains hommes n'étaient que de vrais ânes et le seraient toujours. « Je crois qu'ils le sont tous, » avait répondu Lady Arabella, qui voulait peut-être rappeler à la comtesse que l'espèce ne valait pas mieux dans le Barsetshire Ouest que dans le Barsetshire Est. Le squire, en cette circonstance, n'avait cependant pas combattu avec toute l'énergie dont il savait faire preuve dans certains moments. Il avait eu une explication avec son fils à ce sujet, et il avait été convenu que Franck irait passer 15 jours au château de Courcy. « Nous ne pouvons pas nous brouiller avec eux, « vous le savez, » dit le père, « il vous faudrait toujours y aller tôt ou tard. »« Je le suppose bien, mais vous ne savez pas comment on s'y ennuie. »« Vous croyez ?» dit M. Gresham. « Il doit s'y trouver Miss Dunstable. En avez-vous jamais entendu parler ?»« Non, jamais. »« C'est elle dont le père a inventé une pommade ou je ne sais quel onguent. »« Ah, j'y suis, la pommade du Liban. » Ses affiches couvraient tous les murs de Londres. Mais voilà une année qu'on n'entend plus parler de lui. C'est parce qu'il est mort. La fille continue la fabrique, je crois, ou du moins elle en a tout l'argent. Je voudrais bien savoir à quoi elle ressemble. Vous ferez bien d'y aller voir vous-même. dit le père, qui commença à comprendre pourquoi Lady de Courcy et Lady Arabella désiraient si vivement la présence du jeune homme au château de Courcy. Frank avait fait sa malle, et après avoir jeté un dernier regard d'affection à son cheval noir et fait ses recommandations à Pierre, il s'était joint à l'imposant cortège qui traversait le comté pour se rendre de Greshamsbury au château de Courcy. « J'en suis bien aise, » dit le squire, lorsqu'il apprit que le docteur avait réussi à lui procurer de l'argent. « Je l'aurai à des conditions moins dures que s'il me venait d'autre part. Je vous remercie, docteur. » Monsieur Gresham, sentant que le moment difficile était passé, ou pour mieux dire encore différé, et que l'ennui des petites dettes ne pesait plus sur lui, s'étendit complaisamment dans son fauteuil. Combien d'hommes, sur le chemin de leur ruine, éprouvent le même sentiment? Ils signent une obligation qui les dépouille de la moitié de leurs biens, qui en dépouille aussi leurs enfants, mais tout en la signant, ils se débarrassent d'une foule de petits ennuis, et la satisfaction du moment leur fait presque croire que la fortune les traite en amis. Le docteur se sentit irrité et regretta la part qu'il avait prise dans cette affaire lorsqu'il vit avec quelle tranquillité d'esprit le squire acceptait ce nouveau prêt. « Les droits de Scatcherd vont être bien grands, » dit-il. Monsieur Gresham comprit aussitôt ce qui se passait dans l'esprit du docteur. « Que pouvais-je faire? Je ne pouvais pourtant pas faire manquer un bon mariage à ma fille, faute de quelques milliers de livres. C'est toujours quelque chose que d'en établir une. Lisez cette lettre de Moffat. » Le docteur prit la lettre. C'était une longue tirade en poulet dans laquelle l'amoureux parlait avec ravissement de son amour et de son dévouement pour Miss Gresham, mais en même temps il déclarait que la fortune cruelle ne lui permettait pas de conduire sa fiancée à l'hôtel avant que 6 000 livres sterling eussent été versées chez son banquier. « Cela peut être fort bien, » dit le squire, « mais de mon temps, un gentleman n'eût pas écrit une lettre semblable. » Le docteur haussa les épaules. Il ne savait pas trop jusqu'à quel point il pouvait exprimer son opinion sur le futur beau-fils de son ami. « Je lui avais dit qu'il aurait l'argent, » continua le squire, « et il n'aurait pu croire que cela devait lui suffire. Enfin, je suppose qu'Augusta l'aime et qu'elle désire ce mariage. Sans cela, je lui répondrais d'une manière qui l'étonnerait. Et que lui reconnaît-il? Oh, quant à cela, on n'a rien à lui reprocher. 1 000 livres par an et la maison de Wimbledon. « Cela est très bien. Mais jugez donc, Thorne, quel mensonge! Un homme qui roule sur l'or et qui parle de cette petite somme comme s'il ne pouvait absolument pas s'en passer. « Si j'osais vous dire ma façon de penser, » dit Thorne. « Eh bien, » dit le squire en le regardant avec inquiétude, « je serais porté à croire que M. Moffat veut battre en retraite. »« C'est impossible, tout à fait impossible. D'abord, il a beaucoup désiré ce mariage. Ensuite, c'est une excellente chose pour lui. » D'ailleurs, il ne l'oserait jamais, dépendant comme il l'est des deux Courcy pour son siège au Parlement. Mais s'il le perd? Il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Scatcherd peut être un très brave homme, mais je doute qu'il soit nommé pour Barchester. Je n'y comprends pas grand-chose, dit le docteur, mais cela pourrait arriver. Et vous croyez que cet homme voudrait retirer sa demande? Vous pensez qu'il oserait jouer un pareil tour à ma fille? À moi? Je n'affirme pas qu'il en ait l'intention. Je crois seulement qu'il cherche à se ménager une issue. Mais puisque vous avez la somme toute prête, il n'aura plus de prétexte pour reculer. Mais, Thorne, vous croyez donc qu'il n'aime pas ma fille, si j'en étais sûr? Le docteur garda un instant de silence, puis il reprit. Je ne suis pas un homme très galant, mais je crois que si j'aimais une jeune fille, je n'écrirais pas une lettre pareille à son père. Par le ciel, si j'en étais sûr! S'écria le squire. « Mais Thorne, on ne peut guère juger des hommes de cette espèce comme de nous autres. Ils sont tellement accoutumés à faire de l'argent qu'ils sont juifs en toutes choses. Peut-être, peut-être, » dit le docteur, d'un ton qui donnait à comprendre qu'il doutait toujours de l'amour de M. Moffat. « Ce n'est pas moi qui ai fait ce mariage. Je ne puis donc pas m'en mêler. Moffat assurera une belle position à ma fille dans le monde, car après tout, on va loin avec l'argent, et c'est quelque chose que d'être membre du Parlement. J'espère qu'elle l'aime. J'espère vraiment qu'elle l'aime. » Ajouta le squire d'un ton qui donnait clairement à entendre que, malgré tout son espoir, il doutait de la possibilité d'un pareil amour. Et quelle était la vérité de tout cela? Miss Gresham n'aimait pas plus M. Moffat que vous ne l'aimez. Vous, ma jeune et charmante lectrice, elle ne croyait pas au fond du cœur qu'il fût le meilleur et le plus parfait de tous les hommes qu'elle eût jamais vu ou qu'elle dût jamais voir, et c'est pourtant ce que vous croirez de l'homme que vous aimerez un jour. Ma jeune et charmante lectrice, si vous l'aimez réellement. Il ne lui tardait pas d'être assise auprès de lui. Elle ne consultait pas ses goûts lorsqu'elle faisait quelque emplette de toilette. Elle n'était pas possédée du désir de s'entendre parler constamment de lui par ses amis. Quand elle lui écrivait, elle ne copiait et ne recopiait pas ses lettres afin de s'entretenir plus longtemps avec lui. Elle n'était pas fière d'avoir été l'objet de son choix. En un mot, M. Moffat lui était parfaitement indifférent. Et cependant, elle croyait l'aimer. Elle disait à sa mère qu'elle était sûre que Gustave aimerait ou préférait telle ou telle chose, mais quant à Gustave lui-même, elle ne s'en souciait nullement. Elle était amoureuse de son mariage comme un fermier est amoureux de la moisson qui doit lui procurer une fortune, ou comme l'actionnaire est amoureux du capital qui lui rapporte 7,5%. On lui avait appris à estimer au même taux le don de son cœur, et ce taux obtenu, pourquoi n'eût-elle pas été satisfaite? Nous ne chercherons pas à pénétrer les secrets que Lady Arabella pouvait avoir à communiquer à son médecin. Mais comme elle avait aussi à l'entretenir de certains sujets qui ont rapport à notre récit, il est essentiel que nous en parlions. Comme les sentiments d'une famille changent à mesure que les enfants grandissent et qu'ils songent à quitter le toit paternel. Quelques mois auparavant, Frank avait régné en souverain sur la plupart des habitants de Greshamsbury. Les domestiques lui obéissaient à la baguette, et ses sœurs n'auraient jamais songé à répéter quelque chose qu'il leur eût défendu de dire. Il leur confiait toutes ses aventures, tous ses tours d'écolier, toutes ses amourettes, avec la ferme conviction qu'elles ne le trahiraient jamais. Comptant sur cette discrétion, il n'avait pas hésité à déclarer devant sa sœur Augusta son amour pour Mary Thorne. Mais sa sœur Augusta était maintenant admise au grand conseil de famille, et elle avait profité des leçons de son institutrice. Ses sympathies avaient pris une autre direction. Elle les avait retirées aux jeunes étourdis pour les accorder aux gens sensés. Elle ressemblait un peu à un écolier qui, ayant fini ses études, se voit forcé par la nécessité de se faire professeur. Hier encore sur le banc des écoliers et combattant avec eux contre le maître, aujourd'hui dans la chair et combattant avec non moins d'énergie pour le maître. Il en était de même d'Augusta Gresham quand, prenant un air sérieux, elle dit tout bas à sa mère qu'il y avait quelque chose de louche entre Frank et Mary Thorne. « Mettez-y ordre tout de suite, Arabella. Mettez-y ordre sans tarder, » dit la comtesse. « Ce serait une véritable catastrophe. S'il ne fait pas un mariage d'argent, il est perdu. Bonté divine, la nièce du docteur, une fille dont personne ne connaît l'origine. » « Mais vous savez qu'il part demain avec vous, » dit Lady Arabella. « Oui. » Et s'il veut se laisser guider par moi, le mal peut être réparé avant son retour. Mais il est si difficile de mener les jeunes gens. Arabella, il est de votre devoir d'empêcher que cette jeune fille revienne à Greshamsbury. Le mal doit être arrêté immédiatement. Mais sa présence ici est une chose toute naturelle. Alors il faut que son absence devienne une chose tout aussi naturelle. C'était une folie, une grande folie de l'admettre ici et de l'exposer à une pareille tentation. Comment aurait-elle pu y résister ? Je dois dire, ma tante, qu'elle a fort bien répondu à Franck, dit Augusta. Quel enfantillage ! Reprit la comtesse. Devant vous, c'était tout simple. Arabella, cette affaire ne doit pas être laissée au jugement de la jeune fille. On ne peut jamais compter sur le bon sens de ces gens-là. Si vous voulez sauver la famille d'une ruine complète, il faut éloigner cette fille de Greshamsbury. Profitez donc de l'absence de Franck. « Quand tout dépend du mariage d'un jeune homme, il n'y a pas un moment à perdre. » Endoctrinée de la sorte, Arabella résolut de parler au docteur et de lui donner à entendre que pour le moment sa nièce ferait bien de discontinuer ses visites à Greshamsbury. Elle aurait cependant donné beaucoup pour ne pas avoir à dire pareille chose. Elle avait déjà eu avec le docteur quelques explications dans lesquelles elle sentait bien qu'elle n'avait jamais eu le dessus. Et d'un autre côté, elle avait peur de Marie elle-même. Elle sentait qu'il ne serait pas facile de l'éloigner de Greshamsbury. Elle craignait presque que la jeune fille n'en appelât au squire et peut-être qu'elle ne déclarât son intention d'épouser le jeune héritier. Or, en cela comme en toute autre chose, le squire ne manquerait pas de la soutenir. Mais ce n'était pas facile non plus de formuler sa demande au docteur. Lady Arabella avait conscience de sa faiblesse en fait d'éloquence, tandis que lorsqu'elle y était poussée, le docteur savait être très sec et dire des choses très dures, de la manière la plus polie. Or, Lady Arabella ne craignait rien autant que cela. Enfin, s'il allait se fâcher et ne plus revenir, que deviendrait-elle avec la maladie qu'elle redoutait? Une fois déjà, elle avait essayé du docteur Filgrave, mais cela ne lui avait guère mieux réussi qu'à Sir Roger et à Lady Scatcherd. Quand elle se trouva seule avec le docteur Thorne, et que le moment de l'explication fut arrivé, elle ne se sentit pas peu embarrassée. Il y avait dans cet homme quelque chose qui l'intimidait. Quoiqu'elle fût la femme du squire, la sœur d'un comte et la mère du jeune héritier de Greshamsbury, dont les affections étaient sur le point d'être discutées. Cependant, comme la tâche devait être accomplie, elle appela à son aide tout son courage maternel. « Docteur Thorne, dit-elle, je suis charmée que vous soyez venu aujourd'hui. J'avais quelque chose à vous dire. » Arrivée là, elle s'arrêta. Mais comme le docteur ne paraissait pas disposé à lui venir en aide, force lui fut de continuer du mieux qu'elle put. Quelque chose de très particulier. Vous savez tout le respect et l'estime, et je dirais même l'affection, que nous avons tous pour vous. Le docteur s'inclina profondément. Ainsi que pour Mary. Le docteur s'inclina une seconde fois. Nous avons fait ce que nous avons pu pour que votre voisinage fût agréable, et je suis sûr que vous me croyez quand je dis que je suis votre amie et celle de Mary. Le docteur comprit que Lady Arabella se disposait à lui dire quelque chose de déplaisant, mais il lui fut impossible de deviner. Il sentit cependant qu'il était obligé de lui répondre, et il dit qu'il appréciait vivement les bontés dont il avait été l'objet de la part du squire et de toute sa famille. « J'espère donc, cher docteur, que vous ne prendrez pas en mauvaise part ce que j'ai à vous dire, » poursuivit Lady Arabella. « Je ferai mon possible, Lady Arabella. » Je ne voudrais faire de la peine à personne et à vous moins qu'à tout autre, mais vous savez qu'il y a des circonstances où le devoir doit l'emporter sur toute autre considération, et celle-ci en est une. Quelle est-elle, Lady Arabella? Je m'explique. Vous connaissez la position de Frank. La position de Frank, à propos de quoi? Mais sa position dans la société, comme fils unique, vous savez. « Oui, je connais sa position comme fils unique et héritier de son père. C'est un beau et bon garçon. Vous n'avez qu'un fils, Lady Arabella, mais vous avez tout lieu d'être fière de lui. » Lady Arabella soupira. Pour le moment, elle ne tenait pas à paraître fière de son fils. « Oui, peut-être, dit-elle. C'est un bon jeune homme. Il a d'excellentes qualités. Mais, docteur, sa position est bien précaire. » Et il est arrivé à cette époque de la vie où il est nécessaire de prendre de grandes précautions. Le docteur s'imagina que Lady Arabella parlait de son fils comme le peut faire une mère qui eût redouté le croup ou la coqueluche pour son enfant. « Il n'y a rien à craindre, dit-il. Il a tous les signes d'une santé parfaite. Oui, Dieu merci, sa santé est bonne. C'est une grande bénédiction. » Et Lady Arabella soupira en pensant aux quatre enfants qu'elle avait perdus. « Je suis bien heureuse de le voir aussi fort, mais ce n'est pas de sa santé qu'il s'agit. »« Alors veuillez vous expliquer, Lady Arabella. »« Vous connaissez la position pécuniaire du squire, docteur. » Le docteur connaissait en effet, et mieux que Lady Arabella elle-même, l'état des affaires du squire, mais il n'était nullement disposé à en causer avec elle. Il garda donc le silence, en dépit de la forme interrogative des dernières paroles de Lady Arabella. Elle en fut piquée et continua la conversation d'un ton plus décidé. Le squire a malheureusement obéré le domaine, et Frank ne peut attendre qu'un héritage grevé de dettes, quoique j'ignore entièrement à combien elle se monte. Elle regarda le docteur en face, mais voyant qu'il n'y avait aucune probabilité qu'il l'éclairât sur ce chapitre, elle continua. Il est donc de la plus haute importance que Frank soit très circonspect. « Quant à ses dépenses, voulez-vous dire ?»« Non, pas précisément, quoique cela aussi soit très nécessaire, naturellement. »« Mais ce n'est pas ce que je veux dire, docteur. »« Le seul moyen pour lui de rétablir ses affaires, c'est de faire un mariage d'argent. »« J'espère qu'il le fera, et qu'il jouira en même temps de toutes les autres bénédictions conjugales qu'un homme peut souhaiter. »« dit gravement le docteur, qui commençait cependant à se douter de la tournure qu'allait prendre la conversation. Nous ne dirons pas, car ce serait mentir, qu'il lui fût souvent venu à l'idée que Frank pût devenir amoureux de sa nièce, ni qu'il eût envisagé cette probabilité avec crainte ou satisfaction. Cependant, cette pensée avait tout récemment traversé son esprit. Quelques mots échappés à Mary, et l'émotion dont elle n'avait pu se défendre lorsque le nom de Frank avait été prononcé devant elle, lui avait involontairement fait penser qu'un pareil amour n'était pas impossible. Enfin, lorsque les chances de la fortune s'étaient présentées pour la jeune fille, lorsqu'il avait appris qu'elle pourrait devenir un jour une riche héritière, il n'avait pu se défendre de faire quelques châteaux en Espagne en revenant de Boxall Hill à Greshamsbury. Cependant, nulle considération n'aurait pu le porter à être infidèle aux intérêts du squire ou à encourager des sentiments qui devaient être désagréables à toute sa famille. « Oui, docteur, reprit Lady Arabella, il faut qu'il épouse de l'argent. » « Et du mérite aussi, Lady Arabella. Il lui faut une femme jeune, belle et douée d'un cœur tendre. J'espère qu'il trouvera tout cela réuni. » Était-il possible qu'en parlant de cœur tendre, de jeunesse et de beauté, le docteur eût sa nièce en vue? Était-il possible qu'il eût résolu d'encourager cet odieux mariage? Cette seule idée révolta Lady Arabella et lui donna du courage. « Il faut qu'il fasse un mariage d'argent, » répéta-t-elle, « où il sera ruiné. » Maintenant, docteur, j'appris qu'il s'était passé entre lui et Mary des choses qui ne devraient pas être permises. Ce fut au tour du docteur de se révolter. « Que s'est-il passé entre eux ? » s'écria-t-il, et dans son irritation, il parut grandir d'un pied aux yeux de Lady Arabella. « Que s'est-il passé en eux ? Et qui vous a dit cela ? » ?»« Je sais de bonne source que Frank et Mary ont échangé des paroles d'amour. Vous pouvez m'en croire, docteur. » Il était impossible, docteur, de supporter un pareil langage. Que lui importaient Greshamsbury et son héritier, le squire et tous ses chagrins, Lady Arabella et tous les deux coursiers, en présence d'une telle accusation contre sa nièce ? « Qui vous l'a dit ? » s'écria-t-il. « Qui s'est jamais permis de parler de la sorte de Miss Thorne ? C'est faux ! J'en répondrai sur mon honneur. » « Mon cher docteur, il n'y a aucune erreur à cet égard. Ce qui s'est passé a été clairement entendu. » Que s'est-il passé? Qu'a-t-on entendu? Vous comprenez bien que je ne désire pas faire les choses pires qu'elles ne sont. Je tiens seulement à y couper court le plus tôt possible. Voilà tout. Quelle chose? Parlez franchement, Lady Arabella. Je ne veux pas que la conduite de Mary soit exposée à d'injurieux soupçons. Qu'est-ce que les espions ont entendu? Il n'y a pas eu d'espions, docteur. Ni de rapporteur, sans doute. Voulez-vous bien me rendre le service de me dire quelle est l'accusation qui pèse sur ma nièce? Il y a eu positivement une proposition de mariage, docteur. Et qui l'a faite? Oh, je ne veux pas dire que Frank n'ait pas été très imprudent. Il est à blâmer, sans doute. Mais il y a des torts des deux côtés, c'est évident. Je le nie positivement et je persisterai à le nier. J'ignore ce que Frank a pu dire et faire. Alors vous ne pouvez rien affirmer, dit Lady Arabella. Mais je connais ma nièce, répéta le docteur, et je suis prêt à affirmer qu'il n'y a pas eu de tort des deux côtés. S'il y en a eu d'un côté, je l'ignore complètement. Je vous assure, docteur, que Frank a fait à Mary une proposition de mariage, et une pareille proposition ne peut être sans attrait pour une jeune fille comme votre nièce. Sans attrait ? S'écria le docteur presque hors de lui. Et Lady Arabella recula de deux pas devant le feu de son regard. En vérité, Lady Arabella, vous ne connaissez pas ma nièce. « Mais si vous voulez avoir l'obligeance de me faire savoir vos intentions, je vous dirai si je puis m'y conformer. »« Il serait, je crois, prudent que les jeunes gens se vissent le moins possible, du moins pour le moment. »« Très bien. » »« Frank vient de partir pour le château de Courcy, et de là il se rendra probablement à Cambridge. »« Mais il reviendra souvent ici, et il vaudrait peut-être mieux, il serait peut-être plus prudent » que Miss Thorne discontinua pendant quelque temps ses visites à Greshamsbury. « Très bien, » s'écria le docteur d'une voix tonnante. « Elle discontinuera ses visites. »« J'espère bien, docteur, que cela n'amènera aucun changement dans nos relations. »« Aucun changement ? Pensez-vous que je puisse revenir avec plaisir dans une maison dont on l'a honteusement bannie ? Entretenir des relations amicales avec des personnes qui ont parlé d'elle comme vous venez de le faire ? Vous avez plusieurs filles. Que diriez-vous si j'en accusais une comme vous venez de l'accuser ? Je ne l'ai point accusé, docteur, mais vous le savez, la prudence exige quelquefois. Très bien. La prudence exige que vous veilliez sur ceux qui vous appartiennent, et elle exige aussi que je veille sur mon enfant bien-aimé. Adieu, Lady Arabella. Mais docteur, vous n'allez pas rompre avec nous. Vous viendrez quand nous aurons besoin de vos soins, n'est-ce pas ? Rompre avec la famille de Greshamsbury. Si irrité qu'il fût, le docteur sentit que cela lui serait presque impossible. Un homme de 50 ans ne rompt pas si facilement ses relations les plus anciennes. Il ne pouvait rompre avec le squire ni avec Frank, bien qu'il commençât à comprendre que celui-ci avait mal agi envers lui. Il ne pouvait rompre avec les enfants qu'il avait vus naître, se séparer pour jamais de ses murs, de ses arbres, de ses pelouses qui lui étaient tous si familiers. Il ne pouvait se déclarer l'ennemi de Greshamsbury, et cependant, il comprit que son devoir envers Mary lui enjoignait pour le moment d'en prendre l'attitude. « Si vous avez besoin de moi, Lady Arabella, dit-il, et si vous m'envoyez chercher, je viendrai. Autrement, vous permettrez que je partage avec Mary la sentence d'exil que vous venez de prononcer. J'ai l'honneur de vous saluer. » Et s'inclinant profondément, il sortira. Qu'allait-il dire à Mary ? Il suivait lentement l'avenue de Greshamsbury, les mains derrière le dos, réfléchissant à tout ce qui venait de se passer, ou plutôt essayant d'y réfléchir. Quand un homme est blessé au cœur, il lui est presque impossible de réfléchir de sang-froid. Il s'abandonne à ses impressions et ne fait que nourrir son ressentiment. Une pareille proposition ne peut être sans attrait pour une jeune fille dans la position de ma nièce, se disait-il en répétant les paroles de Lady Arabella. Ah, combien cette femme est incapable de comprendre les nobles sentiments de Mary. Puis sa pensée se reporta sur Frank. Il a bien mal agi, se dit-il. Tout jeune qu'il est, il aurait pu m'éviter ce chagrin. Une parole inconsidérée va désormais rendre Mary bien malheureuse. Et tout en continuant sa route, il ne pouvait chasser le souvenir de ce qui s'était passé entre lui et Sir Roger. Si, après tout, Mary devenait l'héritière de cette immense fortune, si elle devenait propriétaire de Greshamsbury, car enfin il n'était que trop probable que l'héritier de Sir Roger le deviendrait un jour. Cette pensée qu'il eût voulu bannir se présentait sans cesse à son esprit. Il était possible qu'un mariage entre sa nièce et le fils de son ami fût le meilleur des partis pour le jeune homme. Quelle douce, quelle glorieuse vengeance après tout ce qu'avait dit Lady Arabella. C'était un sujet dangereux à méditer. Aussi le docteur faisait-il tous ses efforts, mais en vain, pour donner un autre cours à ses pensées. Tout en poursuivant son chemin, il rencontra encore Béatrice. « Dites à Mary que j'ai été la voir aujourd'hui, lui dit-elle. Je l'attendrai demain. Je lui en voudrais si elle ne vient pas. » « Il ne faut pas lui en vouloir, » dit le docteur en lui tendant la main, « même si elle ne vient pas. » Béatrice aperçut tout de suite qu'il n'était pas disposé à plaisanter. « Je ne parlais pas sérieusement, » dit-elle. « M'est-il arrivé quelque chose ? Mary est-elle malade ? » ?»« Non, elle se porte bien, mais elle ne viendra pas demain, ni probablement d'ici à quelque temps. J'espère que vous ne lui en voudrez pas, Miss Gresham. » Béatrice essaya de l'interroger, mais il la salua affectueusement et passa outre. « Elle ne viendra pas d'ici à quelque temps, » se dit Béatrice. « Alors maman s'est querellée avec elle. » Et dans le fond de son cœur, elle acquitta son amie de tout blâme et condamna sa mère sans l'avoir entendue. En arrivant chez lui, le docteur ne savait pas encore comment il s'y prendrait pour annoncer à Mary les intentions de Lady Arabella. Mais avant d'entrer dans le salon, il résolut de remettre cette explication au lendemain. Il voulait auparavant dormir, ou plutôt veiller. Puis le lendemain, au déjeuner, il instruirait sa nièce de ce qui s'était passé. Ce soir-là, justement, Mary était plus gaie qu'à l'ordinaire. Elle n'avait été certaine du départ de Frank que le matin même. Elle avait donc préféré la société de Miss Auriel à celle du manoir. Son amie Patience était douée d'un caractère si heureux qu'il ne pouvait que réagir salutairement sur elle. Voilà pourquoi elle avait rapporté au foyer du docteur un visage souriant, sinon un cœur parfaitement satisfait. « Mon oncle, dit-elle enfin, qu'est-ce qui vous rend si sombre ? Voulez-vous que je vous lise quelque chose ? Non, pas ce soir, ma chérie. Pourquoi, mon oncle ? Qu'avez-vous donc ? Rien, rien. Oh, vous avez quelque chose, et vous allez me le dire. » Et se levant, elle s'approcha de son oncle et se pencha sur son épaule. Il la regarda un instant en silence, puis se levant à son tour, il passa son bras autour de sa taille et la pressa tendrement sur son cœur. « Ma chérie, » dit-il avec une profonde émotion, « mon enfant bien-aimé. » Mary leva les yeux et vit de grosses larmes rouler sur les joues de son oncle. Cependant, il ne lui dit rien ce soir-là.